Radiomatique. Le groupe anglais Depeche Mode s'est vu confier par les sonoristes la responsabilité d'ouvrir la transmission 247 d'Audiomatic, et c'est avec sa composition Agent Orange de son album Music for the Masses qu'il s'est acquitté de cet engagement, dis-je. Grâce aux transmissions d'Audiomatic, les sonoristes vous proposent chaque semaine une heure de son sans restriction de genre ou de style musical. Il s'agit là de la plus grande simplicité qui, nous l'espérons, vous apporte autant de plaisir auditif qu'il existe de sons possibles. Cette séquence de deux pièces se concluait abruptement sur la musique de Cabaret Voltaire et leur pièce Runaway dans une version remixée par le groupe lui-même. Cette version apparaît sur l'album intitulé tout simplement Remixed, alors que la composition originale se retrouve sur le disque Groovy, Laid Back and Nasty. Avant Cabaret Voltaire, nous entendions une pièce du projet Code Ivy, Sweat Truth, apparaissant sur le deuxième album Insane, sorti en 1992. Vous écoutez toujours Audiomatique avec les sonoristes qui vous offrent à entendre à l'instant Star Sailor. Tell you where to go, but but they won't know. Tears scattered round the world. Cette séquence musicale se concluait à Audiomatic avec le défunt groupe britannique Pale Saints qui nous présentait la chanson Ordeal de son deuxième album In Ribbons, lancé en 1992. Précédemment à Pale Saints, il s'agissait du regretté Jeff Buckley et la pièce Dream Brother de son premier et seul album studio, Grace, paru en 1994. Rappelons que Jeff Buckley s'est noyé en 1997 à l'âge de 30 ans, suivant ainsi le tragique destin de son père, Tim Buckley, musicien folk et jazz, qui est décédé d'une overdose en 1975, à l'âge de seulement 28 ans. Et pour débuter, nous entendions le groupe anglais Star Sailor, et sa chanson « Way to Fall » extraite de son premier album « Love is Here » paru en octobre 2001. Audiomatic, allons-y maintenant avec une pièce de la formation new-yorkaise « Brazilian Girls ». Strange boy, turn down the machines. When Ready? Keep that frequency clear. à Audiomatic, nous terminions cette séquence sur la musique de la formation Jackalope, fondée par Dave Ogilvie, un ancien membre du fameux groupe canadien Skinny Poppy. Donc, Jackalope nous présente une musique plus pop, industrielle, agrémentée de voix féminines, ce qui se matérialisait d'ailleurs sur la pièce que nous avons entendue, soit Don't Cry, tirée du premier album It Dreams, sorti en 2004. Avant Jackalope, c'était le groupe Mono Fader et sa pièce Cars, tirée du seul album intitulé Frost. Et en début de séquence, nous écoutions Brazilian Girls et la pièce Strange Boy, tirée de l'album New York City, paru en 2008. Nous mettrons la touche finale à cette transmission 247 d'Audiomatic en vous faisant jouer la chanson Opportunity du groupe anglais The Charlatans UK. Cette pièce se retrouve sur leur premier album Some Friendly, lancé en 1990. Les sonoristes vous convient à écouter la transmission 248 d'Audiomatic mercredi prochain dès 17h, transmission diffusée en direct sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM. Si ce moment ne convient pas, il est toujours possible d'y accéder quelques jours après sa diffusion officielle en vous rendant sur nos profils mixcloud.com/audiomatic et facebook.com/audiomatic-CFOU. Voici The Charlatans UK et la pièce Opportunity. C'était Audiomatic avec les sonoristes.